Y'a ceux qui se font trahir, et ceux qui arrêtent pas de trahir. Si tu veux nous trahir, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Y'a ceux qui se font trahir, et ceux qui arrêtent pas de trahir. Si tu veux nous trahir, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Petit Nanga, les CIA à faire les vrais jets. Ils pèsent, on s'en fout, y'a plus de thèse. Quand on sait l'âge mûr, la vie toujours aussi dure, incontrôlable, indompté. Je soigne le rap, c'est ma cure, rien n'est sûr, car il faut taffer et faire du chiffre. Crailler. Soirée glow où tu prends ta gifle. Bouffe dans ton assiette, regarde pas dans la marmite. J'ai envie de personne dans ma tête, tu sais, j'ai pas de limite. Je prends la voie royale, ouais, j'suis doué. Te mets pas à rapper, ça paiera pas ton loyer. Noué. Le ventre est toujours creux. Ceux qui ont les crocs affairés seront riches et heureux. Lié. La pauvreté, le banditisme. Voici deux artistes à visage unique, sauvés par la musique. Braillez. En crachant la vérité. Broyez. Appelle-nous les indomptés. Y'a ceux qui se font crailler. Et ceux qui arrêtent pas de crailler. Tu veux nous brailler, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Y'a ceux qui font brailler. Puis ceux qui arrêtent pas de brailler. Si tu veux nous brailler, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Même si j'suis gavé, j'pourrais jamais racheter mon passé. J'pourrais jamais refaire les mêmes tracks, c'est cramé. Ou bien revivre chez le tarot pour recommencer à l'aise. Mais est-ce que tout ceci est censé? C'est de la rime à la française, d'un Congolais dans mon casier. Assieds-toi, on est chez toi pour te causer. C'est le son des insoumis qu'on te soumet. Soumet, ne t'en fais pas si l'effet est doublé. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que je suis né. Et pas tout seul, j'ai un jumeau donc je sens partager. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous trahir. Un paquet de nos confrères se sont déjà criés. Grouillez-vous, on nous demande d'appuyer. Trop de lapins au rendez-vous, on ne peut plus les compter. À ça j'y mets toujours un peu fou allié. Tu sais, sans le RAP, notre vie serait nulle à chier. Y'a ceux qui se font trahir. Et ceux qui arrêtent pas de trahir. Si tu veux nous trahir, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Y'a ceux qui se font trahir. Et ceux qui arrêtent pas de trahir. Si tu veux nous trahir, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Dans un rap rock aigu, tu sais qui c'est, ce n'est pas du rock. C'est qui sont crus, qui vient s'incruer. C'est des drôles d'époque, un test d'intrus, ouais. Proche d'un trou, à chaque crime posé sur instru. Par notre crew, on n'arrête pas d'embrayer. Kobangate, mais est-ce qu'ils croyaient que notre rap était gâté? Grattez-vous, on a la dalle, faut que vous le sachiez. Nous sommes le produit à l'intérieur de ton sachet. Pas de bling bling en toc, faut briller. Et si le discours choque, faut le hurler. Et sur le vers le froc, baisser. Tente, baisser. Tellement de, baisser. Tente, crailler. Sur nos côtes, mais ce qui est craché. Sur nos fautes, ceci n'a un sens peut-être que pour les nôtres. On récolte ce qu'on sème et je vois le seum comme la flotte. Y'a ceux qui font crailler. Et ceux qui arrêtent pas de crailler. Si tu veux nous brailler, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Y'a ceux qui font crailler. Et ceux qui arrêtent pas de crailler. Si tu veux nous brailler, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Fois deux fois trois fois. Crailler.